J'avais une veste grise et des vieux jeans délavés. On me disait, tu tringardises, tu as l'élégance d'un navet. Jusqu'à ce que je me grise dans les plis de ton duvet. Depuis je mets des petites chemises et des polos à col en V. Tu as changé mon allure en trois coups de cuillère à paume. C'est une rupture, il n'y a pas d'autre mot. Mais y'a une chose qui dure, qui ne changera pas de sitôt. C'est la chevelure qui me descend dans le dos. Je sais que tu n'aimes guère la longueur de mes cheveux. Mais si tu espères, alors écoute cet aveu. Tu auras beau faire ou dire tout ce que tu veux, j'irai en enfer plutôt que me couper les cheveux. Tu as réussi à me mettre une écharpe autour du cou. C'est plutôt dur à admettre quand on a vécu comme un loup. Je ne m'étais pas aperçu que tu t'étais transformé, que tu étais devenu un institut de beauté. Tu as changé mon allure en trois coups de cuillère à paume. C'est une rupture, il n'y a pas d'autre mot. Mais y'a une chose qui dure, qui ne changera pas de sitôt. C'est la chevelure qui me descend dans le dos. Je sais que tu n'aimes guère la longueur de mes cheveux. Mais si tu espères, alors écoute cet aveu. Tu auras beau faire ou dire tout ce que tu veux, j'irai en enfer plutôt que me couper les cheveux. Mais un jour, par surprise, il eut l'angle là de trop. À cause d'une chemise tahitienne aux couleurs fluo, et ce fut la cerise qui fit déborder le gâteau. J'ai fait mes valises et j'ai regretté aussitôt. Tu as changé mon allure en trois coups de cuillère à paume. Mais notre rupture m'a laissé sur le carreau. Comme je désespère, j'ai réalisé ce vœu. Puisque je suis en enfer, je me suis coupé les cheveux.